et grands feuilletons de France Culture. Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 38e et dernier épisode, Espérance. 5 septembre 1838, en mer. Est-ce là l'île de Monte-Cristo ? Oui, monsieur. Ce sera donc là le port. Le signal de terre. Voici un fusil. Voulez-vous y répondre vous-même ? Ah oui, donnez. Carguez les voiles ! Amen partout ! Mouillez ! Apprêtez-vous, monsieur. On va mettre le canot à la mer. Je suis prêt. Bonjour, Morel. Vous êtes exact. Merci. Bonjour, Comte. Venez donc. Il y a ici une habitation toute préparée pour vous. Et l'équipage ? Vous cherchez vos matelots ? Mais ils sont partis et je ne leur ai rien donné. Ne vous occupez pas de cela. J'ai marché avec la marine pour que l'accès de mon île soit franc de tout droit, de charroi et de voyage. Comte, vous n'êtes plus le même qu'à Paris. Comment cela ? Mais vous riez. Oui, vous avez raison de me rappeler à moi-même, Maximilien. Vous revoir était un bonheur pour moi et j'oubliais que tout bonheur est passager. Oh non, non. Riez au contraire. Soyez heureux, vous. Et prouvez-moi par votre indifférence que la vie n'est mauvaise qu'à ceux qui souffrent. Mais c'est pour me donner du courage, n'est-ce pas, que vous affectez cette gaieté ? Non, non, vous vous trompez. J'étais heureux. Alors vous aviez oublié ma tristesse ? Tant mieux. Expliquez-moi ce tant mieux. Comme disait le gladiateur en entrant dans le cirque au sublime empereur, je vous dis, celui qui va mourir te salue. Vous n'êtes pas consolé. Avez-vous cru réellement que je pourrais l'être ? Alors que je suis venu près de vous pour mourir dans les bras d'un ami. J'ai attendu plus d'un mois. J'ai souffert. Espéré. Quoi ? Oh, je n'en sais rien. Quelque chose d'absurde, d'insensé. Un miracle. Lequel ? Dieu seul peut le dire. Lui qui a mêlé à notre raison cette folie qu'on nomme... Espérance. Espérance. Quel joli mot. Allons, venez. Le 5 septembre était le terme du sursis que vous me demandiez. Bien, nous sommes le 5 septembre. Donnez-moi jusqu'à midi. Soit. Il est 9 heures. J'ai donc encore 3 heures à vivre. Mais qu'est-ce que... Cette table dressée... Ne convient-il pas que nous employions les 3 heures qui nous restent? Comme ces anciens Romains qui, condamnés par Néron, se mettaient à table couronnés de fleurs et aspiraient la mort avec le parfum des héliotropes et des roses. Comme vous voudrez. Il est midi. Y songez-vous bien, Morel. Vous tuez sous mes yeux et dans ma maison. Alors laissez-moi partir, ou je croirai que vous ne m'aimez pas. C'est bien. Vous l'avez dit. Un miracle seul pourrait vous guérir. Alors asseyez-vous et attendez. Quelle est cette substance verdâtre que vous versez dans cette coupe? Le poison que je vous ai promis. Le poison qui apporte l'oubli. Prenez. Et cette autre coupe? Elle est pour moi. Je crois que je suis aussi las de la vie que vous. Et puisque l'occasion s'en présente... Arrêtez! Arrêtez, oh, vous qui aimez, vous qu'on aime. Vous qui avez la foi de l'espérance, ne faites pas ce que je vais faire. De votre part, ce serait un crime. Adieu, noble et généreux ami. Je vais dire à Valentine ce que vous avez fait pour moi. Venez, Valentine. Avec ce que je lui ai donné de haschich, votre apparition aura toutes les apparences d'un beau rêve. Oh. Oh, ce palais merveilleux. Et cette lumière. Est-ce déjà le ciel qui s'ouvre pour moi? Et cette femme qui ressemble à l'ange que j'ai perdu? Valentine. Valentine. Maximilien, me voici. Il vous appelle du fond de son sommeil. La mort a voulu vous séparer, Valentine. Mais j'étais là. Et j'ai vaincu la mort. Je vous rends l'un à l'autre. Puisse Dieu me tenir compte de ces deux existences que je sauve. Ah, monsieur, je vous baise les mains. Redites-moi que je vous ai rendu heureuse. Vous ne savez pas combien j'ai besoin de cette certitude. Je vous remercie de toute mon âme. Et si vous doutez que mes remerciements soient sincères, demandez à ma sœur chérie, Haïdée. Vous aimez donc Haïdée? Oui. Eh bien, Valentine, j'ai une grâce à vous demander. À moi, grand Dieu? Suis-je assez heureuse pour cela? Rendez à Haïdée tout ce que vous croyez me devoir. Protégez-la, Maximilien et vous. Car désormais, elle sera seule au monde. Seul au monde. Et pourquoi? Parce que demain tu seras libre. Parce que demain tu reprendras dans le monde la place qui t'est due. Fille de prince, je te rends les richesses et le nom de ton père. Ainsi tu veux me quitter? Haïdée, tu es jeune et belle. Oublie jusqu'à mon nom et sois heureuse. Tes ordres seront exécutés. Oh, comte, ne comprenez-vous pas qu'elle souffre? Ne devinez-vous pas qu'elle vous aime? Haïdée. Oh oui, je t'aime. Comme on aime son mari, comme on aime sa vie, comme on aime son Dieu. Dieu me pardonne donc. Viens, Haïdée. Mon amour? Oui. Ton amour me fera peut-être oublier ce qu'il faut que j'oublie. Mon amour? Oui, peut-être. Mais plus certainement, cette vie que je porte en moi. Que dis-tu? Viens. Ah. Oh. Le comte m'a trompé. Ami, réveille-toi et regarde de mon côté. Valentine. Oh, le miracle. Valentine. J'ai à vous remettre cette lettre de la part du comte. Mon cher Maximilien, il y a une felouque pour vous à l'ancre. Jacopo vous conduira à Livourne où M. Noirtier attend sa petite fille qu'il veut bénir avant qu'elle vous suive à l'hôtel. Tout ce qui est dans cette grotte, ainsi que ma maison des Champs-Élysées et mon petit château du Tréport, sont le présent de noces. Que fait Edmond Dantès au fils de son patron Morel? Valentine voudra bien en prendre la moitié, car je la supplie de donner aux pauvres de Paris toute la fortune qui lui revient du côté de son père, devenu fou, et du côté de son frère, décédé en août dernier avec sa belle-mère. Oui. Soyez heureux tous deux, et souvenez-vous que toute la sagesse humaine tient dans ces deux mots, attendre et espérer. Votre ami Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Mais où est donc le comte, Jacopo? Parti. Regarde, ton île a disparu. À tout jamais pour nous. Serre-moi contre toi, Haïdée. Tu es belle. Et que de bonheur je lis dans tes yeux. Ce bonheur, c'est à toi que je le dois. Et à l'enfant que je porte. Douce, Haïdée. Cet enfant, nous l'appellerons Espérance. C'était Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 38e et dernier épisode, Espérance. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Jacopo, Maurice Bourbon. Valentine, Marie-Hélène Breya. Haïdé, Catherine Vichniakov. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 3 décembre 1980. Si l'aventure du Comte de Monte Cristo s'achève dans sa version radiophonique, telle que nous la suivons depuis début juillet, et telle que vous pouvez la retrouver en la téléchargeant épisode par épisode sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission, nos rendez-vous avec Edmond Dantès ne sont pas terminés. Ainsi, demain à la même heure, nous pourrons suivre une conférence qu'André Mauroy avait consacrée en 1955 aux origines du personnage de Monte Cristo, ses origines étant à chercher dans la réalité d'un fait divers. Mais dès maintenant, au risque de briser l'émotion qui suit le moment où l'on repose un livre, lecture terminée, nous vous proposons d'écouter un extrait de l'œuvre parodique d'un spécialiste du genre, Michel Méry, diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 décembre 1968 dans la série « Comme au cinéma ». Demandez crème glacée, chocolat, bonbons, caramel. Comme au cinéma, bonbon, crème glacée, chocolat, comme au cinéma, comme au cinéma, documentaire, grand film, etc. La la la, la la la, la la la, la la. Comme au cinéma, une émission écrite et interprétée par Michel Méry, avec la collaboration de Pierre Steele et de Francine D'Artois. Prise de son Bernard Galli, assistante Paulette Gillan. Bonbon chocolat, crème glacée nougat, car sous les choucroutes, y'en a pas. Demandez tout ça, comme au cinéma, comme au cinéma. OQPAME, organisation qui produit actuellement Mélo Épouvantable, présente un épouvantable Mélo produit actuellement par la dite organisation, un certain Edmond Dantès. Adaptation extrêmement libre de l'œuvre d'Alexandre Dumas père, le Comte de Monte Cristo. Chacun à son poste, paré pour le bouillage, doucement, là. Vé, voici l'onde de retour, bonjour mon cher Dantès. Bonjour monsieur Morel, vous êtes monté sur le bateau avant l'arrêt complet, c'est imprudent. Étant l'armateur de ce bâtiment, j'ai voulu être le premier sur le pont, n'ai-je pas réussi? Vous vous débrouillez très bien pour un armateur. Mais je ne vois point le capitaine Leblanc, votre commandant, où est-il? Hélas monsieur, un grand malheur est arrivé. Dites. Il y a 8 jours en pleine mer, le capitaine a été emporté... Par une lame de fond? Non, par une fièvre cérébrale. Mais c'est encore plus stupide. J'ai donc pris le commandement du pharaon pour vous le ramener ici à Marseille. Et merci Edmond. Monsieur Danglars, votre comptable, vous rendra compte du chargement. Ah, bravo garçon, ça, c'est pas Danglars, hein, il mérite d'aller loin. Pour un marin, c'est préférable. Vous semblez réticent. Simplement surpris qu'au lieu de rallier directement Marseille, il ait cru bon de faire un détour par l'île d'Elbe. Eh, il m'en a pas parlé. Puis cette cachotterie, ne pas le mener au cachot. Dites-moi, Dantès. Monsieur. Pourquoi vous êtes-vous arrêté à Lille? À Lille? Eh oui, à Lille. À Lille? Monsieur, je n'aurais pas pu. À Lille, il n'y a pas la mer. Ah non, à l'île d'Elbe. Ah, pour accomplir le dernier vœu du capitaine Leblanc. Et dans ce cas, vous avez bien fait. En remettant un paquet pour... Pour l'empereur exilé, mieux vaut que ça ne se sache pas. Hein. Je ne suis personnellement pour rien dans tout cela. Et c'est bien, allez, Edmond. Bien, monsieur. Alors, monsieur Morel, Dantès vous a fourni ses explications? Excellente, mon cher Danglars. Sans doute était-elle contenue dans la lettre du capitaine Leblanc. Quelle lettre? Comment savez-vous? J'ai vu le capitaine confier lettre et paquet à Dantès. Il ne vous en a pas parlé non plus? Bizarre tout ça, hein? Puisse ce mystère ne pas le faire mettre au secret. Dites-moi, Edmond. Monsieur? Dînerez-vous ce soir avec moi? Oh, impossible, monsieur. Je veux d'abord revoir mon vieux papa et ma jeune fiancée. C'est vrai, Mercedes. J'ai hâte de la sentir se suspendre à mon cou. La Mercedes a toujours été bien suspendue. Le ciel fasse qu'elle me soit restée fidèle. Son cousin Fernand lui a fait la cour, mais elle l'a repoussée. Elle m'est encore plus chère. La Mercedes n'a jamais été donnée. Rien d'autre à me communiquer? Non, rien. En mourant, le capitaine vous a point remis une lettre pour moi? Une lettre pour vous? Non, monsieur. Mais cela me rappelle que j'aurai un congé de 8 jours à vous demander. Pour vous marier? Et aussi pour me rendre à Paris. À Paris? Oui, je ne puis vous en dire davantage. Mais j'insiste pas. Alors pour ce dîner, rien à faire. Non, excusez-moi. Et tant pis. Décidément, il veut pas se mettre à table. Mercedes, Mercedes, épousez-moi. Mais je ne vous aime pas, Fernand. Mais je suis pourtant votre cousin. Précisément, Fernand, on se marie pour fonder une famille. Vous êtes déjà de la mienne, ça ferait double emploi. Mais je vous aime, Mercedes. Et moi, j'aime Dantès. Ça rime à rien. Si, justement, ça rime. Et puis, je vous le répète, j'aime Edmond. Je ne pourrai jamais prononcer tendrement d'autres noms que le sien. Eh ben, vous m'appellerez Edmond, mais épousez-moi. Jamais. Tiens, voilà un marin. C'est lui. Je cours à sa rencontre. Ah, si je pouvais me débarrasser de celui-là. Vous ne le portez pas dans votre cœur. Non, mais je porterais bien mon couteau dans le sien. Point besoin de stylet. Un stylo suffira. Un quoi? Disons une plume. Mais qui êtes-vous? Je me nomme Danglars, mais qu'importe. Vous êtes son ennemi, je le suis aussi. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Vous croyez? J'en suis sûr. Écrivez. Sur quoi? Sur ce papier. Mais encore? Sous ma dictée. À qui? Au procureur du roi. Une dénonciation, à qui ça s'adresse-t-il? Oh, bon. Monsieur le procureur. De la main gauche, imbécile. C'est son nom? Non, écrivez de la main gauche. Mais pourquoi? Pour déguiser votre écriture. Ah, c'est pourtant par le Mardi Gras. Écrivez. Monsieur le procureur est prévenu. Le procureur prévenu? Première fois que j'entends ça, d'habitude, sont les accusés. Écrivez. Qu'Edmond Dantès a été chargé d'une lettre pour l'usurpateur, EUR, et par l'usurpateur d'une autre lettre. C'est plus un marin, c'est un facteur. Écrivez pour le comité bonapartiste de Paris. C'est vrai, ça? En tout cas, ça peut se prouver. Mais n'écrivez pas ça, imbécile. Ah, je croyais. Hein. Allons, déchirez. Ah. On recommence tout. Monsieur le procureur. Toujours EUR? Oui. Bon. Eh oui, mon cher Edmond, eh oui, ma chère Mercedes, j'ai voulu vous faire cette surprise. Dans une heure, vous serez mariés. Mais par quel miracle! J'en ai les jambes qui tremblent. Et grâce à la gentillesse de monsieur le maire, j'ai pu acheter les bains. Les bains? Laissez-moi m'asseoir. Mais c'est l'émotion. C'est pourquoi dans une heure, Mercedes sera madame Dantès. Tiens, ça rime! Ah, vous l'avez remarqué aussi. Mais que se passe-t-il? Des agents? Des gendarmes? Que personne ne sorte! Gardez toutes les portes! Encore un qui parle en vert. Qui de vous, messieurs, est Edmond Dantès? C'est lui, mais... Au nom du roi, je vous arrête! Mais pourquoi? Le procureur le lui dira. Allez, en route! Edmond! Du courage, Mercedes. C'est sûrement une erreur. Edmond, ne les suit pas. Il le faut, Mercedes. Et tout s'éclaircira. À bientôt, Mercedes! Edmond! Que pensez-vous de tout ça, monsieur Danglars? Ma foi, tout a été si vite, je n'en suis pas encore revenu. Lui non plus, d'ailleurs. Edmond! Edmond! Mais je suis là, moi, Mercedes. Fernand! Fernand! Eh ben quoi, Fernand? Les gens sont méchants. Eh oui, madame de Villefort, ma femme, le métier de procureur du roi est parfois d'un exercice bien délicat. Il fallait en choisir un autre, monsieur mon mari. Figurez-vous que je viens de trancher un de ces cas de conscience. On ne peut pas trancher que des têtes. Un brave marin du roi accusé de complot bonapartiste. Edmond Dantier. Dantès. L'est-il ? Dantès, pas Dantier. N'empêche qu'il mangeait à tous les râteliers. Je n'en suis pas certain. Il ignorait pourquoi il servait d'émissaire. Il devait monter à Paris remettre une lettre à un conspirateur, mais ce dernier est descendu ici. Alors, vous pouviez l'arrêter, lui ? Quand vous connaîtrez son nom, vous verrez que c'était impossible, madame. Il s'appelle ? Noirtier. Noirtier de Villefort ? Oui, madame, mon papa. Si bon, si doux, si généreux. Mais restez fidèle à l'empereur. Je devais donc sacrifier l'autre. Et où l'avez-vous envoyé ? Au château d'If. Au moins, il aura de la verdure. Et déjà, le remords me ronge. Bah, le remords, c'est comme la diligence. Ça roule ? Ça passe. Combien de fois au jour a succédé la nuit depuis que je suis en cette geôle, seul, toujours plus seul. En quelle année sommes-nous, allez donc savoir. Ce sont des ifs et non des palmiers qui s'élèvent ici. Alors pour les dates. Mais que se passe-t-il ? Mes yeux n'en croient pas mes oreilles. En même temps que j'entends gratter au mur, une pierre de celui-ci se déplace et une tête d'homme apparaît. Un compagnon d'infortune. Ah ! Je m'appelle Faria. Dantès. Enchanté. C'est la Providence qui vous envoie. Non, je suis venu tout seul. Depuis quand êtes-vous enfermé ? Je ne compte plus, pour personne d'ailleurs. Pourtant, avec la fortune que j'ai... Fortune ? Oui, je vous raconterai ça. Maintenant que nous sommes deux, il faudra chercher à s'évader. Comment ? En creusant un tunnel, qu'en pensez-vous ? C'est une idée à piocher. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Toujours un if. Où en sont nos travaux ? Oh, plus que quelques centimètres, et nous verrons clair. Clair, à nous la liberté. Dire que nous aurons mis 14 ans pour percer cette muraille. Dame, avec une cuillère à café, c'est pas facile. Mais que m'arrive-t-il tout à coup ? J'étouffe. Encore quelques centimètres et vous aurez de l'air. Non, non, c'est le cœur qui flanche. Dantès, oui. Écoutez-moi vite. Oui. Prenez ce vieux parchemin. Là, c'est une carte. Oui, elle vous mènera à l'endroit où est caché le trésor que j'ai découvert juste avant qu'on ne m'arrête. Mais où se trouve-t-il ? Dans l'île de Monte Cristo. Faria. Mort. Comment m'évader à présent que je suis seul ? L'affaire est dans le lac. Un extrait de l'adaptation extrêmement libre, en effet, de l'œuvre d'Alexandre Dumas, Comme au cinéma, émission écrite et interprétée par Michel Méry, avec la participation de Pierre Steele et Francine D'Artois. Réalisation Paulette Gillan, première diffusion sur France Culture, le 11 décembre 1968. Demain, à la même heure, La vie et l'œuvre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, une conférence signée André Mauroy. Tous ces rendez-vous dumasiens sont à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.